Chapitre 6e. Tonnerre de Dieu! Nous sommes battus! S'écria Bamboche avec un indicible accent de rage, en voyant la femme inconnue, Maurice et les deux hommes leur échapper. Battus à plat, renchérit mon oncle, tout pâle de fureur. Tout est à recommencer, et ce barbouilleur maudit va se défier. Et puis, observa Bamboche, nous voilà une sale affaire sur les bras, avec ce grand Maccabée qui ne remue plus ni pied ni patte, dit-il en montrant Guy de Maltaverne. Claqué, fit mon oncle. Claqué en grand. Il y a toujours la ressource de déclarer qu'il est mort d'apoplexie. La bougresse qu'il a si bien nettoyée n'ira pas s'en vanter. Je le répète, pas facile. Laisse-moi faire, et tu vas voir. Ils saisirent le cadavre, l'un par les pieds, l'autre par la tête, le soulevèrent sans effort et la portèrent dans la pièce d'où s'était enfuie Germaine avec tant d'audace et de bonheur. « Tiens, maman Bachu !» s'écria tout stupéfait Bamboche en reconnaissant, affalé sur le fauteuil et tremblant de tous ses membres, l'ignoble femelle de Lichamort. « Que fais-tu là, vieille bourrique ?» demanda brutalement mon oncle. « Quelle est cette femme qui sort d'ici ?»« Jésus, Seigneur, mon Dieu, je n'en sais rien !»« Tu mens !» Que mon premier verre me serve de poison si je ne dis pas la vérité. Elle m'a entortillée, rapport à un moucheron dont elle voulait s'en débarrasser. Et alors elle m'a dit des choses. Non, voyez-vous, mon doux patron, de ces choses qui vous font dresser les cheveux dessus la tête. Allons, parle, et dépêche-toi de découvrir un lit que nous y déposions le Maccabée. Oh, si vous saviez, j'en suis à moitié morte et mes pauvres estomacs sont retournés à l'envers. Tonnerre de Dieu, parleras-tu ? Eh bien, elle m'a demandé ce que j'avais fait de la marquisette et des deux mômes. S'écria mon oncle en poussant une rauque exclamation qui fit frémir Bamboche. Tel fut en outre son saisissement qu'il lâcha le cadavre du baron, dont la tête heurta le carreau avec un bruit affreux. Détériorez pas le Maccabée, où il sera rudement difficile à maquiller en un qui est mort d'apoplexie, observa cyniquement Bamboche. Marquisette, balbutia mon oncle en essayant de reprendre son sang-froid. Oui, comme je vous le dis. Et tu ne l'as pas saigné? Et tu n'as pas appelé à l'aide, hurlé? Nous étions là. Son affaire eût été bientôt faite. J'ai essayé, mais va t'asseoir. Elle est forte plus que ben des hommes et elle m'a secouée comme une mitaine. Puis elle connaît tout mon fourbi et m'a menacé de la carrer des grandes herbes. La cour d'assises. « Allons, il faudra la retrouver, coûte que coûte. Et alors, malheur à elle. Mais chaque chose en son temps, au plus pressé. » Le brigand, qui avait retrouvé du moins en apparence tout son calme, installait, aidé de Bamboche, le cadavre sur le lit. Alors, il examina plus attentivement la blessure et dit, n'en pouvant croire ses yeux, « Mais c'est une balle de Flaubert. On ne s'imaginera jamais la pénétration de ces damnés projectiles. » Puis il ajouta, s'adressant à la mère Bachu. « Sais-tu qui a tiré ?»« La femme qui était comme une folle derrière le Judas, avec un méchant pistolet pas plus long que mon doigt. Ça a fait clac, et j'aurais jamais cru que ça aurait pu vous nettoyer comme ça en particulier. » Un revolver système Flaubert. Une femme dont la vigueur égale ou dépasse celle de bien des hommes. « Si c'était elle, » fit tout pensif mon oncle. « Dis-moi, mère Bachu. »« S'il plaît, notre maître. » Cette inconnue était-elle jolie sous son affreux déguisement? Oh, comme un cœur! Des détails à vous allumer un polisson! Je ne vous dis que ça! L'as-tu déjà vu? Pourrais pas vous dire. Il m'en a tant passé par les mains. Seulement, je parierais que c'est un cerneau, une jeune fille, qui a pas pu être 18 ans. Tu n'as jamais entendu sa voix? Possible! Mon oncle poursuivit, comme se parlant à lui-même. C'est elle. Ce ne peut être qu'elle. Germaine connaissant ce secret terrible, Germaine qui me fait bonne mine, me reçoit en camarade pour me faire tomber dans quelque traquenard. Si c'est vrai, malheur à elle. Je puis être plus faible qu'un enfant dans certains cas. Mais un secret pareil, sur lequel est échafaudé l'édifice de ma fortune aux mains d'une femme et d'une femme qui veut se venger. C'est impossible. Germaine que j'ai idolâtrée. Germaine que j'aime de toutes les forces de mon âme. Germaine doit être sacrifiée. Il faut qu'elle disparaisse. Un bonheur, patron, interrompit de sa voix railleuse Bamboche. Ça, c'est parler en homme. Il y a longtemps que la sacrée Louis XV, femme, devrait être dans le sio et ben creux. Vous en a-t-elle fait faire de ces bêtises? Mon oncle passa convulsivement la main sur son front ruisselant de sueur et, sans ajouter un mot, s'approcha du cadavre. Il essuya soigneusement les bords de la plaie, découpés comme à l'emporte-pièce, et introduisit dans le trajet de la balle une corne de mouchoir enroulée au bout d'une allumette. Il assécha ainsi le mieux qu'il put le fond de l'ouverture et alluma une bougie. Quand la stéraïne fut bien liquéfiée autour de la mèche, il inclina la bougie au-dessus de la plaie et la fit tomber goutte à goutte au fond du trou qu'elle remplit bientôt. Bamboche, très intrigué, suivait de l'œil cette bizarre opération, se demandant où mon oncle voulait en venir. La stéraïne se solidifiait instantanément, bouchait hermétiquement le petit trou livide et se confondait si bien avec l'épiderme qu'il fallait être prévenu pour s'apercevoir de cette audacieuse supercherie. « Tonnerre de nom d'un chien !» songeait à part lui Bamboche. « Quel homme tout de même! Jamais pris au dépourvu! Toujours autant de chevilles que de trous! Quel malheur qu'il soit comme ça porté sur le cotillon! Sûr qu'il fera que des bêtises !» La blessure, étant ainsi obturée par le petit cylindre de stéraïne, mon oncle voulut faire mieux encore. Il fit tomber une dernière goutte, ramena une des mèches latérales, isola une pincée de cheveux, les mit sur la goutte encore liquide et appuya dessus avec son doigt. Quelques secondes après, les cheveux adhéraient avec force à la tempe et cachaient la plaie avec tant de naturel que le médecin chargé de constater le décès n'aurait certainement aucun soupçon. Il était seulement 9 heures du matin. Mon oncle abandonna aux soins de la mère Bachu le cadavre du sire de Maltaverne et, toujours flanqué de Bamboche, se rendit à Herblay pour faire la déclaration de l'accident qui privait le petit clan des Vauverny de son président. Il est bon de ne rien laisser au hasard, d'être correct avec la justice. Le sang-froid lui était revenu tout à fait. Il informa le maire avec une parfaite liberté d'esprit de la catastrophe survenue sur le territoire de sa commune et prit congé en disant qu'il s'en allait faire de suite les démarches relatives à la translation et aux funérailles de son malheureux ami. Il rentra sans désemparer rue Joubert et s'enferma un quart d'heure avec Bamboche pour rédiger l'écho annonçant à la presse la mort foudroyante du baron de Maltaverne. Cette besogne terminée, il envoya Bamboche à Jean Rat pour lui donner la primeur de cette nouvelle à sensation et demeura seul environ une demi-heure. Monsieur Thierry, banquier, mon oncle pour ces dames, était entré par la rue de la Victoire. Ce fut le comte de Mondieu qui sortit par la rue Joubert. Il prit une voiture, se fit conduire chez lui et arriva réglementairement au coup de midi pour déjeuner. Suzanne, qui ne l'avait pas vu depuis la veille, accourut lui présenter son front et le cœur débordant de joie voulut lui parler de Maurice, de leur union prochaine. Le comte l'écoutait distraitement et l'esprit torturé par les événements de cette matinée dramatique mangeait en homme pressé. À la fin, n'y tenant plus, exaspéré à froid de ce gracieux babil qui d'ordinaire le ravissait, il pria brusquement la jeune fille de ne plus l'entretenir de ce sujet. « Comment, père ? » s'écria Suzanne, frappée au cœur en pleine expansion de son bonheur. « Est-ce bien vous qui me parlez ainsi ?»« Que veux-tu ? Ce mariage me déplaît. Je n'y consens qu'à mon corps défendant. Si tu veux, nous causerons d'autres choses. » Et sans plus se soucier des larmes qui perlaient dans les yeux si purs de la jeune fille, sans même s'apercevoir de son chagrin, il finit de déjeuner en mettant les morceaux doubles, hanté toujours par cette idée poignante. « Mon secret est aux mains d'une femme, et cette femme ne peut être que Germaine. Oh, je vais le savoir tout à l'heure. Et si c'est elle, pourrais-je la sacrifier? Suis-je assez bête? Et comme Bamboche a raison d'aimer toutes les femmes, ce qui est le bon moyen de n'être l'esclave d'aucune. Mais aussi, à quoi bon la vie sans amour ? Oh misère, un aventurier ne devrait jamais avoir un cœur !»